Thank you. volume is too heavy. Run away. Non, mais t'as raison, il décollait, c'est bon ça. Ça fait des trucs intéressants quand même, hein. Non? Ah putain, c'est magique. Tu utilises quoi, Ben, toi? Run away. Je suis en train de télécharger. Run away, turn away, run away. Il y a 4 parties, je crois. Franchement, tu verras, c'est un régal. Attends, putain, je coupe là. Ouais. Ouais, il me semble, mais c'est... Il y a plein d'autres VST aussi, hein. Donc, tu verras, des compresseurs, des limiteurs, il y a de tout. Il y a de tout et c'est pas mal. Et en particulier, l'autotune... franchement, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Cédric, c'était bien, hein, ta petite partie solo. Hein. Réponse, c'est pas mal ça. Pour bosser, c'est bien. Oh, qui c'est qui écoute du PNL là? Waouh! Oh Ben, t'écoutes du PNL, t'as pas honte? C'est moi qui écoute du PNL. J'écoute du PNL, j'ai même acheté l'album. À la PNL? Et je fais un petit truc en quoi là? Je suis en si. Ouais, t'es fou. Non, mais c'est bien, moi j'écoute, hein, j'aime bien. B, si, B. Si, ouais. Si mineur, si mineur. Si mineur. Vas-y, on fait quelque chose en si mineur. Je suis en si mineur, moi aussi. Mineur. Si mineur. Ah, le mineur, il travaille. Ah, c'est bizarre ça. Fait... Attends. Bouge pas, je vais te balancer un truc. Si ouais, c'est un peu aigu. C'est un peu aigu, hein. Oh, mais mineur. À l'ammoniaque. Non, c'est bien. Mmh. Comment il chante ça? Il chante vraiment grave, le mec. À l'ammoniac, allez, on va la chanter à l'ammoniac. Règle ton autotune sur soit sur du la, soit sur du mi. Bouge pas. Ah, tu l'as en plus là. Vote 90. Du la et du mi. Inch'Allah, Inch'Allah. Ah, ammoniac. 90. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Ah non, y'a un problème. Inch'Allah, Inch'Allah. Ouais, je de me couper à la mort. C'est des dans la tête. Ouais, je suis ressenti par sentiment. Ouais. Mon cœur transforme en billet. Ouais. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Ouais. Que Dieu nous pardonne pour notre grâce. Pour notre manque de compréhension. Envers l'homme et sa putain de race. Voilà, Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Que j'aimerais leur tendre la main. Mais ces sauvages me la couperaient. Je s'assure de la fin. Ouais. Une vision de paranoïa. Le corbeau remplace le chant du coq. Un je t'aime coupé à l'ammoniaque. Sauvage me coupe de la fin. Ouais. Paranoïa. Ammoniaque. Mais ces sauvages me la couperaient. Et tout ça sur le dos de la fin. Ouais. Je t'aime coupé à l'ammoniaque. Je finis comme un élu. Je crois que personne ne vit sans regret. Mais on est tout le contraire, piaf. Sans voix chaud, le cœur brise les degrés. À la vie, à la muerte. À la vie, à la muerte. On passera plus vite qu'hier. Le soleil se couchera dans la vallée. La lune sortira une bière. Ouais. À l'ammoniaque. À la folie. À l'ammoniaque. Passionnément. À la folie. Ouais. Passionnément. Pourquoi tes fleurs a fané? Ouais. Elle était belle loin de la jungle. Et bon, la jungle l'a attrapée. Ouais. Ma vie, je t'aime. Pourquoi tu perds les âmes comme ça? Ce monde a mal et je ressens ça. Ouais. Ils sont en noir, mais je les vois. Ouais. Je les vois, ma vie. Mais je n'ai Dieu que pour ma famille. Fait le million, je me suis assagi. Et on doit rendre ce qu'on a pris. Voilà ma vie. Voilà. Je m'en t'aime, puis on t'oublie. Je m'en sème, puis on grandit. Je nous respecte, ouais, on tire. Ma vie. Inch'Allah. Voilà. À la vie, à la muerte. Ma vie. Inch'Allah. Tout niquer ma vie. L'histoire sera courte à mon avis. Comme la dernière phrase de ma vie. Je tirerai en l'air, je dirai tant pis. Je me défends, je fais la diff. Les anges sont tristes, les démons kiffent. Pourquoi t'as dit je t'aime au pif? Animal heureux sous les griffes. J'ai pas senti pour me sentir vivre. Donne-moi du temps, j'en ferai du bif. En attendant demain, mémé. Ouais. À la folie. Ouais. Passionnément. À la manière. Well, Inch'Allah. À l'ammoniac, à l'ammoniac. À la forêt, passe mes mains. À l'ammoniac, à la folie. Mais on doit rendre ce qu'on a pris. À l'ammoniac. Yo. Bon, dédicace au 6-3, au 9-3. Au copain de la cité. La vie, c'est exactement ça, quoi. Au 2-4, c'est exactement ça. J'ai été inspiré, j'en ai fait quelques-unes comme ça, de ce style, tu vois, un peu atmosphérique. Attends, je vais t'en péter une autre, tu vas voir. Alors ça, qu'est-ce que c'est ça ? Merci à toi. Okay. C'est du mi, je crois. C'est toujours du mi. Fallait pas me quitter, tu vois. Thank you.